en direct du chalet. Avec Knuckles. Bonsoir la tribu, je suis Knuckles et on se retrouve en direct du chalet. Je suis comme d'habitude en compagnie de mon équipe. Oui. J'ai salut pas de compliment en fait aujourd'hui. Salut les gens, c'est Sonic. Et Mirose. Salut, ici Shadow. Et aussi Eggman dans l'ordinateur. Oh, il viendra à chaque fois, lui, c'est pas possible. Ouais. Malheureusement, bref. Les enfants, vous avez déjà parlé de Red Shadow Legend. On a dit. C'est alors, bien de pas sponsoriser. Désolé, mais. Deuxième émission sans sponsorisation Lego, on attend toujours Lego si vous nous regardez. J'ai eu mon set Lego, je suis heureux, je suis prêt à le sponsoriser, pour n'importe quelle somme. Ah oui. Puis NordVPN aussi, parce que eux ils sponsorisent tout le monde quoi, ils nous ont toujours pas parlé quoi. C'est vrai. Et pourquoi pas AirUp maintenant qu'ils s'y mettent aussi. Air quoi? Une bonne idée. Les gourdes avait... là, avec les odeurs dans le nez là. Ça fait 30 secondes qu'on a commencé, c'est déjà n'importe quoi. Alors je pense qu'en 30 secondes, on vient d'évoquer 33 sujets, hein, c'est ça? Un truc comme ça. Bah, ça fait une bonne intro, ça, du coup. Ils ont qu'à suivre, il faut qu'ils soient plus rapides que nous. C'est vrai, ça. On fait partie de la Sonic Team, qui dit Sonic, dit rapidité. Il faut suivre. Exactement, bah on est tous rapides, hein, à notre manière, de toute façon. C'est juste moi le plus rapide, c'est tout. Bon, ouais, bon. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? De quoi est-ce qu'on parle? Ouais. Bref. Le programme d'aujourd'hui, ben, la Saint-Valentin, on est pile dans la période de février. C'est quoi ce jour? Oui, c'est vrai, on a fait la Saint-Valentin, oui. C'est le jour des gens qui s'aiment. C'est un peu ce qu'on fait tout le temps. Oui. Et alors attends, vous avez inventé, vous terriens, une date pour aimer les gens alors que vous vous aimez tout le temps? C'est quoi votre bazar? Et c'est pas apparemment, les humains ne s'aiment qu'une journée dans l'année. Oui. Et ils font quoi le reste du temps? Je m'attendais pas à ta question, j'ai bugué pendant 30 secondes. C'est vrai ça, que font les humains le reste du temps? Ils mangent des chili dogs, je crois, Sonic m'a dit. Enfin, c'est surtout moi qui mange des chili dogs. Ah non, ça c'est que Sonic qui le fait. C'est vrai que je me suis jamais posé la question d'où est-ce que ça vient ce jour-là? Pourquoi ce jour-là? Pourquoi? Je suis allé dans des temples, tu sais, lors de mes nombreux voyages pour essayer de ramasser un maximum d'énergie pour mes potentiels plans futurs. Et en allant dans les temples, crois-moi, j'ai remarqué que il vaut mieux pas que tu saches les origines de cette fête. Ok. C'est savoir si t'es sérieux ou pas. C'est vraiment sérieux. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai reçu deux bouquets de fleurs. J'ai reçu deux super bouquets de roses, j'aurais trop aimé vous les montrer, mais ils sont chez moi, du coup je les ai mis dans des vases. Est-ce que tu as une idée de qui tu les a envoyés? Il y avait peut-être une Non, il y avait personne devant la maison, et il y avait juste des cartes avec des petits mots, mais c'était pas signé. C'était pas du tout signé. Mais ça marquait quoi? Enfin, si c'est pas indiscret. Il y en a un, ça disait pour... C'était je suis en train quoi, de me poser des questions, Sonic. Qu'est-ce que t'as encore fait? Rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce qui est marqué dans le mot? Rassure-moi, c'était quoi comme fleur? C'était des marguerites, c'est ça? Non, c'était des roses. C'est intéressant. Oui. Vous savez quoi? Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Oui, voilà. Je vais faire comme si j'avais rien remarqué. Et toi, Knuckles, t'as fait quelque chose pour la Saint-Valentin, tiens? Barry, pas maintenant. Moi, pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que je fais? Barry? T'as invité Barry? T'as fait venir alors... Barry? Hey, Barry, amène-toi. Viens causer un peu dans le micro aussi. Viens, Barry, viens. Bonjour, monsieur Sonic. Je suis juste là pour apporter des chili dogs. Oh, mais c'est super, mais j'adore tes chili dogs en plus. Bienvenue au chalet. Bienvenue au chalet, beaucoup. Barry. Oui, bienvenue. Bon, ok, je voulais vous faire la surprise. On a un invité surprise, Barry. Bonjour Barry. Sacré Barry. Sacré Barry. Ah là là, sacré Barry. Faudra que je dise la même chose lorsque j'attacherai sur une fusée. Knuckles, qui veut faire encore? La voix de Monsieur Shadow. Oui, c'est Shadow Barry. T'inquiète pas, mais... il va rien. Non, dis pas que t'as peur. Il blague. Barry. Il fait de l'humour noir. Il troll. Barry, je n'ai jamais mangé personne, enfin je crois. D'accord, ça me rassure peut-être un petit peu. Oh, mais tu as besoin d'être rassuré, mon ami. Tiens, est-ce que tu sais manier les AK-47? Ça y est, c'est reparti pour moi, monsieur. Ah, il arrive pas à soulever, monsieur Shadow. Bon, maintenant, il se débrouille. Essaye de pas tirer dans les murs du chalet parce que. S'il vous plaît, essayez d'éviter de jouer avec des armes dans la maison, c'est très sympathique. Barry, si tu vas apprendre la voix du guerrier, tu dois apprendre à te débrouiller tout seul. Quelqu'un aurait une cafetière? Est-ce que ce serait pas un message que tu essaierais de nous faire passer par hasard? Oui, parce que ça fait quelque chose, ça. La réplique et la cafetière. Trailer de ma série, je sais pas. Oui, c'est vrai qu'il va sortir une bande-annonce. Oui, il est super la bande-annonce d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. En plus, je suis très dedans. Attendez, je vais juste aider Barry, il est en train de suffoquer. Allez, oula. Ah, le oui, pauvre. Oui, oui. Même pour moi, c'est lourd ce truc. Allez, je t'emmerde. Ah, non, moi je vais le ranger. Family friendly, s'il vous plaît. Oui. Désolé. Je t'en prie. Bon, ça va comme ça. Où est-ce qu'on en était du coup? On est très justement en fait à parler de la grande apparition de notre cher Knuckles. On parle de moi. Oui, il a enfin sa série. C'est comme le podcast, il a un podcast et maintenant il a une série. Et en plus, je suis aussi dans la série. Oui, c'est bien en plus. Pour la petite histoire, j'avais très peur parce que le jour de mon anniversaire, qui était le 2 février, on parlait que de Shadow. Shadow avec Sonic Generation, Shadow Sonic 3, le film, je sais pas trop quoi. Personne parlait de moi. Et enfin, 3 jours après, qui c'est qui vient? Eh ben, c'est moi. Et oui, tu es là présent. C'était pour rétablir l'équilibre. Un peu en retard, mon propre anniversaire, mais je suis là. Surtout qu'à part Shadow, il n'y a eu aucun autre développement de personnage comme ça. Et je trouve ça super cool. Ouais, ça peut être très bien, en plus, de permettre à Knuckles d'avoir un peu plus sa backstory, parce qu'il a une histoire très intéressante. D'où vient cette idée qu'il est un guerrier? D'où vient son côté si téméraire, si attractif? C'est vrai. Surtout qu'ils ont changé plein de trucs dans le film par rapport au jeu. Alors, si ça se trouve, ils vont faire un truc assez différent et ça va être intéressant à voir, je pense. J'ai tendance à dire qu'ils ont l'air de plus développer sa backstory dans les films que dans les jeux. Oui, Parce que dans les jeux, on sait surtout que, oui, c'est le gardien de la Master Emerald, c'est le dernier de son espèce, de sa tribu, mais à part ça... C'est rien sur moi, je suis mystérieux. Je pense que c'est parce qu'à l'époque, ils voulaient justement faire de Knuckles un perso mystérieux, en fait, qui arrivait de nulle part, aussi, et dit « Oh, c'est qui ce mot bien ?» Ah, on sait pas. Oui, finalité, on a fait de moi un abruti, je ne sais pas trop comment le prendre. Je tiens à vous dire que Shadow essaie de parler depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de soucis, mais c'est quand même un moment. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je n'existais pas encore. Et donc, peut-être que Knuckles aussi servait un petit peu de rival à Sonic. La bonne époque, c'était bien ça, oui. C'est pas faux. C'était tout à fait ça, oui. C'était lui mon rival à l'époque. Et puis Shadow est arrivé. Ouais. Enfin, je suis arrivé, mais bon, je suis pas arrivé de gaieté de cœur, quoi. C'est juste que j'aurais aimé que. Ah, les temps ont été durs à cette époque-là, oui, je m'en souviens. Oui, qu'une personne que j'aimais bien soit à mes côtés aussi, c'est à ce moment-là. Mais bon, on peut pas tout avoir. C'est la vie. Mais... Bref, pour revenir sur le sujet de ma série, Paramount a fait très fort, parce que cette année, nous n'avons pas que Knuckles, mais on a Sonic 3 et Knuckles. Et ça, c'est fort. On va avoir les deux. Comment ça? Oui. C'est un peu comme les jeux, en fait. Nous avons ma série... Nous avons le film Sonic 3, nous avons en 2024 Sonic 3 et Knuckles. Oh! Voilà, comme dans les jeux. Il a un trait d'intelligence! Paramount, j'investis. Voilà, j'investis. Et en plus, bravo pour avoir au moins laissé Paramount te laisser piloter une moto à ta taille. Ça, je peux confirmer. Ah oui, c'est vrai, j'ai trouvé ça super fun. Pourquoi celle-là? Bah, franchement, un truc que j'aimerais bien voir dans le troisième film, justement, c'est une course de moto entre Knuckles et Shadow. Sa moto, ce serait cool. La Terre n'y serait pas. Tout le monde sait que ma moto est bien plus rapide. Oui, la moto est beaucoup plus rapide. À moins que si ça se trouve, c'est Shadow qui va piquer la moto à Knuckles dans le troisième film, qui sait. Moi, un cambrioleur, voyons. Tu as entièrement raison. Comme si je t'avais jamais vu emprunter des véhicules dans un de tes jeux, Shadow. J'emprunte pas. Je prends, je rénove comme j'en ai envie, et ensuite je rends pas. Voilà, oui. Et sans demander la permission, évidemment. Mais quoi, il, parce il le détruit. Quoi, parce qu'il faut en plus demander la permission lorsqu'on prend quelque chose. La permission des Camille. J'adore la sociale. Ouais. En parlant de Sonic 3, est-ce qu'on a pas encore de bande-annonce? On a juste eu teaser un petit peu bête où on voit juste le logo, un logo qui imite le dos de Sonic et de Shadow, en fait, avec marqué en gros Sonic 3. Et là, tu n'as pas tout vu et tout entendu. Comment ça? Si on entend bien, la musique de fond, c'est une version orchestrale du fameux Live and Learn qui sera dans le film. Ah, j'ai pas fait gaffe, il faudra que je réécoute ça. Mais alors, il y a tout, mais oui, s'il y a cette musique, parce que c'est ma préférée, perso. Oui. Et aussi, à la fin, on entend un rire. Beaucoup pensaient que c'était Shadow, mais Shadow ne rit pas. C'est le rire de Robotnik de Jim Carrey. Il revient. Ça, c'est bien. C'est le seul Robotnik que je supporte à peu près. Moi, c'est pareil, je trouve que c'est un excellent Robotnik. Et c'est vraiment très, très bien qu'il soit revenu. Petite lui-même précision. Adore son rôle. Vous savez pourquoi c'est un excellent Robotnik et que tout le monde dit que c'est un excellent Robotnik? Parce qu'il est maigre, mais un jour, il va prendre du poids, comme moi. Ça doit faire quelque chose. Si, on alors déjà, pour ne rigole pas, parce que plus on est gros, plus on rebondit. Ça nous donne un petit peu plus de, tu vois, de peps pour affronter Sonic. C'est pour ça qu'il revient à la charge, malgré qu'on lui explose la tête à chaque fois. Bah oui, en fait, son véhicule, il explose et puis il rebondit par terre en tombant, en fait. Donc Sonic, t'as pris du poids, c'est pour ça que tu rebondis autant. je trouve pas que j'ai pris autant de bides. J'ai pas pris autant de bides, c'est pas vrai. Non, seulement quand il est. J'ai joué à des jeux où tu prends un petit peu de poids. Bon, c'est pas officiel, c'est par des fans, mais t'as pris beaucoup de poids dans certains jeux, Sonic. Sonic XL. C'est du fétichisme, ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Mais rassure-moi, Amy, quand tu prépares à manger parfois pour Sonic, tu lui donnes quand même des légumes parfois. Absolument. Ah, parfait, bah voilà. C'est de lui donner tous des repas relativement équilibrés à ce garçon, parce que sinon il se nourrait exclusivement que de chili dog matin soir. Oui, il y a des haricots rouges dans le chili dog pour sa défense. Oui, en plus. Oui, puis en plus elle arrive toujours à glisser des légumes dans les chili dogs de manière à ce que je sente pas le goût, quoi. Donc du coup j'ai ma dose de légumes voilà, quoi. Ça a l'air super, ça a l'air super bon. Tu pourras m'en faire un aussi, Amy, au cas où. Enfin, si tu peux. Oui, bien sûr. Merci. C'est la meilleure des cuisinières. Petite référence, petit clin d'œil au petit short de GastronoGeek qui montre comment justement faire aussi les chili dogs. Oui, en effet. Ils sont faits, moi qui pensais être le seul à le connaître. Ils sont faits de manière excellente. Oui, allez voir GastronoGeek aussi si vous le connaissez pas. GastronoGeek qui fait de très bonnes recettes sur les jeux vidéo. Un très très bon humain. Ah, j'en ai entendu parler de ça, oui. J'ai eu l'occasion d'essayer sa tarte aux pommes spéculoos, elle était succulente. Ah, j'ai parlé de classique. Oui. Qu'est-ce qui va arriver aussi cette année? Le remake de Sonic Generations avec Shadow. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et oui. Alors, des images que j'ai vues, j'ai vraiment un doute sur le fait que ce soit vraiment un remake. J'ai plutôt l'impression que c'est un portage, mais avec un gros DLC de Shadow derrière. Je suis pas contre l'idée, au contraire. Remake, portage, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose, oui. C'est pas vraiment la même chose, oui. C'est un remaster, pas un remake. C'est le même jeu en plus beau avec 2-3 trucs en plus. Ah, ils changent quand même les graphismes et tout un peu quand même. Parce que même si le jeu était déjà très beau pour son époque. Bah oui, justement, c'est pour ça. Il faut refaire pour qu'il soit adapté aux dernières consoles. Exactement. Ouais. PS5, et ils vont rajouter un DLC Shadow pour savoir ce que Shadow a fait pendant la campagne de Sonic. Parce que visiblement, Shadow était occupé. Parce que quand on voit les aventures de Sonic, c'est vrai qu'on se demande jamais qu'est-ce que nous on fait derrière. Alors, je fais péter des trucs. Évidemment. Alors, il y a un truc que j'aimerais beaucoup voir aussi dans ce jeu-là, c'est que au tout début, en fait, quand on libère les persos de leur état de stase, je sais plus quoi, où ils sont figés, là, on voit que, enfin, quand on devient Sonic classique et Sonic moderne, en fait, on voit Tails classique et Tails moderne, mais on voit pas Amy classique et Knuckles classique. Alors que ça me paraît très logique quand même. Alors peut-être à l'époque, ils... ouais, alors à l'époque ils auraient rajouté, hein. Bah à l'époque je peux peut-être comprendre parce qu'ils auraient peut-être pas fait les modèles 3D pour ça, mais maintenant ils ont plus d'excuses, hein, avec ils ont qu'à prendre les modèles de Sonic Superstar et puis ça y est quoi. Mm. Ils les ont leur Amy classique et Knuckles classique. Mm. C'est vrai. Alors là ils ont pas d'excuses là. Est-ce qu'il serait jouable? Je sais pas, peut-être en mode. Je sais pas s'il y a déjà eu ça dans un jeu, dans un de nos jeux, un mode où tu traverses juste les niveaux comme ça en mode libre. Ouais, pas en mode histoire, je sais plus. Je sais pas si. Alors. Je pense que je vais dire. Pour ma part, je pense plus que si on retrouve nos versions classiques, ce serait comme pour le jeu de base, donc juste des petits mini-jeux, des petits batailles de rivaux. Ouais. Pas plus. Mmh. Ouais, d'accord, ok. Je me souviens aussi qu'à un moment donné, même Sonic a dérivé sous plusieurs formes. Il a même dérivé dans un jeu de combat, ce que j'ai trouvé un peu bizarre. Mais pas qu'un seul, hein, pas qu'un seul. Oui, il y en a plusieurs, j'en ai vu plusieurs. Oui, c'est pour que je la loue, monsieur le trophée Ed. Non. D'ailleurs, vous avez tous les deux les trophées Ed, j'ai envie de dire. Vous êtes que des trophées Ed. Ouais, enfin, d'ailleurs, on va dire que... bonne nouvelle. C'est Sonic en fait qui nous utilise, qui utilise son téléphone, qui nous appelle pour voir si on peut venir. Mais on est toujours occupé. D'ailleurs, petite bonne nouvelle, ouais. La semaine dernière, on abordait le jeu Super Smash Bros. J'ai commencé le jeu. Voilà. Ah, bah c'est bien. D'ailleurs, ce sera pas le seul jeu, mais ça, on y viendra plus tard. J'ai commencé Super Smash Bros. J'ai testé notre fameux Sonic. Le dernier. Ultimate sur Nintendo Switch. Ouais, et Sonic, tu te joues agréablement bien, bizarrement. Je ne pensais pas dire ça. Ouais, ils m'ont vraiment fait super bien dans le jeu. Je suis vraiment très content. Pourtant, genre, avec Nintendo, je me méfie encore un peu. Je me dis, ils vont me battre, si je sais pas. Mais non, même le pas. Le problème, c'est que les trois quarts de tes attaques, tu te mets en boule. Bah, comme en vrai, tu as deux spin dash. Bah ouais. Regarde-moi le spin dash, c'est un des. Attends, il y a le spin dash, il y a le homing. Il y a beaucoup trop de techniques. En fait, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est pour trouver c'est le nom. Mêmes. Ils auraient pu remplacer un des spin dash par, je sais pas, un turbo ou des wisps, par exemple. Après, turbo est dans un endroit où t'as des plateformes partout. C'est comme j'en parlais, justement. Un moveset relativement général. Ouais. C'est comme j'en parlais la dernière fois quand j'ai joué à Crime 64, je disais que les développeurs qui ont fait Super Crime 64, ils ont aussi fait un mode où à la place de Mario 64, en fait à la place de Mario c'est Sonic. Et le problème c'est qu'ils m'ont mis ma vitesse, et ma vitesse dans un jeu Mario, ça marche pas très bien. Oh, ça va trop vite. Oui. Mon jeu, le jeu doit être cassé de partout, on dirait Sonic R. Sonic, c'est la première fois que j'entends dire que ça va trop vite. Oui. Sonic, je vais t'apprendre quelque chose. Je vais t'apprendre quelque chose que les humains m'ont enseigné lorsque je suis arrivé sur Terre. Mm-hmm. Marcher. Arrête. Mais je sais marcher. Il ne connaît pas ce mot. C'est juste que je m'ennuie si je marche plus de 10 secondes. C'est tout. Évitons d'assassiner Amy, hein, ça serait trop triste. Mais à chaque fois, vous allez me faire mourir de rire. Vous êtes intenable. De quoi est-ce qu'on n'a pas parlé encore? Alors, est-ce que tout le monde a vu Sonic Prime maintenant? Est-ce que tout le monde a vu la fin de Sonic Prime? Ah, bah, bien évidemment. Ah, moi, oui. Ah, c'était bien à la fin. Temps, on peut aborder une partie spoiler. Je pense. Je pense que tout le monde a vu le. Alors si vous avez toujours pas vu la fin de Sonic Prime, zappez jusqu'au temps que je vais mettre dans la description, comme ça vous n'aurez pas de spoiler. Mettez pause, allez regarder et revenez. Mais à mon avis, vous serez pas nombreux, je pense. Vous revenez au timecode qui va s'afficher, ce sera plus simple. Oui. Je donne du travail au monteur. Bravo Amy, merci beaucoup. On va reparler à nouveau. Voilà. Mais donc j'ai été extrêmement satisfait de la fin. Très intense. Oui. C'est là qu'on est mitigé. Oui. La fin est un petit peu bâclée. Il y a plus de questions que de réponses. Où va Shadow avec le prisme du paradoxe? Qui c'est qui va nous embêter à la fin? On ne sait pas, on ne sait plus. Est-ce que tout le monde rentre chez soi normalement? Qu'est-ce qui arrive à Nine? Qu'est-ce qu'a vu Sonic qui lui permet de changer d'avis et de comprendre ce que veut Nine depuis le début? Et pourquoi un combat aussi long qui dure 5 épisodes? C'est vrai qu'il y avait beaucoup de combats là-dessus. Ça me rappelle les 5 minutes de Goku contre Freezer. 5 minutes! C'est le même principe, je crois. En fait. En fait, il y a beaucoup de combats qui montrent que c'est un combat long, mais je trouve que c'est aussi un petit peu réaliste, parce qu'en fait, c'est deux êtres qui ont énormément de puissance, et en effet, le combat va durer très longtemps, parce qu'ils sont tous les deux puissants, peut-être même à force égale, pour savoir en fait qui juste va y trouver la faiblesse de l'autre. Pourquoi Big? Oh non. Non, l'appelle pas, ça va l'invoquer. Alors, pourquoi Big? Alors malheureusement, c'est parce que il était là et c'est tout. Après, là, j'ai vu c'était ça. Suffisant. J'ai vu ça et je me suis dit, c'est un très bon caméo parce que pour une fois, on lui donne un peu plus d'importance qu'il n'en a déjà. C'est très original et en vrai, avoir Big en super méca, c'est très drôle. Par contre, on en parle de la réaction un petit peu exagérée de Sonic. Pourquoi tout mais pas lui? Non. Mais oh, ça va, c'était que Big, quoi. Je veux dire, il exagère un peu ce Sonic de Sonic Prime. C'était censé être que Big, justement, je pense. Sonic théâtral, pardon. Oh. Non, c'est pas vrai, c'est juste un pote. Moi, j'ai quelqu'un d'autre en vue. Tu t'es mis à genoux et tu as pleuré. Si ça, c'est pas théâtral, je ne sais pas quoi dire. Oui, mais parce qu'en fait aussi, comprendre. Faut pas croire. J'étais désespéré à ce moment-là. Oui, oui, tu étais désespéré, mais en même temps, tu es désespéré aussi lorsqu'à un moment donné, je te vole ton chili dog. Donc, à un moment donné, il faudrait savoir hein, qu'est-ce que c'est que la définition de désespéré. Oui, mais Sonic pas partagé son manger. En tout cas, là, ça y est, vous avez. On a une vraie relation style frère. J'étais contente. Oui, c'est vrai, oui. Oui, ça c'était bien. C'était bien fait de la aussi. Considération pour Sonic. Oh, pour une fois, c'est parce que. Ben, c'est tu lui as sauvé la vie. Tu l'as ramené à la maison. Je l'ai pas sauvé la vie, je l'ai éloigné du danger. Nuance. Sans toi, il serait pas rentré. C'est vrai, ça. Merci, Shadow. Bon, je pense que tout le monde doit s'attendre à ce que je le dise. Merci, Sonic, de me considérer comme ton éternel ami. De rien. Shadow a donc l'organe qu'on pensait qu'il n'avait pas. Non, tais-toi. Il a un cœur. Non, Knuckles, ne gâche pas ce moment. C'est quoi un cœur? Fais l'acteur. Et pourquoi il y a une plage? Pourquoi je suis dans un chalet? Pourquoi je porte une écharpe? Mais qui es-tu? Mais où suis-je? On vit dans une saucisse? Non. Qu'est-ce que vous faites? Oh, yeah. On divague. Et pourquoi je suis noir? Vague. Et pourquoi toi t'es rose? Quoi? Pourquoi toi t'es rouge? Et pourquoi toi t'es tu es... Mais tu es... Shadow, Sonic. Tu te poses trop de questions, là, je pense. Sonic, oh mon Dieu, tu es bleu. Ben oui, je suis bleu. Un coup de marteau. Je suis bleu, dabadi dabada. Dabadi dabada dabadi badaba. Voilà. Tu es un avis, Sonic. Vaut mieux être un avis qu'un schtroumpf. Bon, du coup, il ne reste plus qu'un truc à voir. Oui. Knuckles nous a fait une review pour le jour, la review de Sonic Forces, puisqu'il a rejoué il n'y a pas très longtemps. Alors, est-ce que c'est si mauvais que ça? Alors, on va commencer par les points positifs. Ok, d'accord. Passons au point négatif. Non, bon. Okay. Soyons indulgents. Le jeu n'est pas laid. Visuellement, ça passe. Il est beau. Ok, ça c'est bien. Les musiques de notre avatar et de Sonic moderne sont très bonnes, bien que... Ça manque de diversité, on est surtout sur des musiques électroniques. Sauf Fist Bump et le thème d'Infinite qui sont un peu plus rock. Mmh. Et le DLC Shadow, mais ça c'est vraiment à côté. Comment ça je suis à côté? Depuis quand j'ai pas dans le jeu de base? Là il est pour rien, c'est jeu. Il faut t'installer séparément du jeu. C'est quoi installer? Je t'expliquerai plus tard, c'est un peu long. Ah d'accord, ok. En revenant à l'avatar, il y a de quoi faire. Beaucoup de, comment dire, de customisation. Oui, j'ai vu qu'on peut faire son propre essai là-dessus, c'est vraiment génial. J'ai essayé de créer Majin Buu, mais il manque un détail important, il n'y a pas de pantalon dans ce jeu. Ah oui, pardon. Les mobs bien mâles ne portent pas de pantalon, c'est connu. Les femelles non plus, elles ont juste une sorte de combi intégrale. Il n'y a pas de pantalon, de jupe, il n'y a rien. Ah mais elles portent quelque chose quand même. Et pardon, il y a un kilt. Ah oui, quand même. Attends, pour les mecs aussi? Oui. Intéressant. Ça voudrait dire que tous les mobiens sont écossais. Ça va intéresser quelqu'un que la femme d'un pote à moi que je connais. Enfin voilà. Et voilà ce que je vais commander avec mes robots. Un kilt. Je vais me fondre dans le décor. Eggman avec un kilt. Oh mon dieu. Ce multivers. Ne mets pas des horreurs dans la tête, pitié. Faites des fanarts. Faites des fanarts. Après. Ah oui, franchement, je veux voir ça. Si vous faites des fanarts, faites-le. Faites des fanarts d'Eggman en kilt. Ah oui, ouais, je veux voir ça, moi. Après, j'ai déjà vu Eggman en Hatsune Miku, j'ai déjà vu Eggman Adventure, j'ai déjà vu Eggman Heroes, oui. Tout est possible. Ouais, ça aussi j'ai vu. J'ai enflammé la scène quand j'avais les tresses à la Hatsune Miku. Oh, tu m'aurais vu les gens agiter les poireaux devant moi. Alors, Eggman, je ne te demande jamais rien. Est-ce que tu peux me faire une petite faveur? Qui est-il? Fais-moi un petit sekai, s'il te plaît. Oh non. Mais malheureusement, vois-tu, mon emploi du temps est déjà chargé, je ne peux pas te réaliser cette chose. À moins, bien sûr, que tu fasses aussi en retour quelque chose pour moi. Donne-moi l'émeraude. Allez, ah, j'en étais sûr. Ça aurait été mieux si t'avais pas venir. Alors, le monteur il bipera, va chier. Je t'ai vu tellement venir de loin, Eggman, là, je t'ai vu venir avant même de commencer l'enregistrement, c'est dire. Ah, si je puis faire une petite référence à une série récente, va chier. Oh, évidemment. J'ai oublié de quoi on parlait tellement vous faites les imbéciles. Ah oui, on parlait de Sonic Forces, ouais, donc on a vu tous les bons points là. S'il vous plaît, ça part beaucoup trop loin cet épisode. Les bons points, oui, on a vu tous les bons points. Ok, donc alors qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Tout le reste? Tout. Tout le reste. Tout. Alors, pour ce qui est des musiques, j'ai évoqué Sonic Modern et l'Avatar et Infinite. Sonic classique. J'ai saigné de partout. C'était infâme. Ah, si c'est comme Sonic Generations, ouais, moi-même, je suis pas trop fan des versions classiques des musiques de Sonic Generations. Alors, pour le coup, Generations, c'était très bon, mais là, ça, c'était vraiment pas bien du tout. Ah oui, ça faisait mal aux yeux. Mal aux yeux, aux oreilles, au cul, sûrement. Ah oui, une musique qui fait mal aux yeux, ouais, c'est sûr, c'est spécial. Je m'a coûté 25 euros. Il faut bien que les graphismes aillent avec. J'aimerais qu'on me rende mes 25 euros juste pour les musiques de Sonic classique. Là, c'était un enchaînement de sons. C'était pas bien. Ah, très mal réalisé. Pourtant, j'ai coupé la dubstep et c'est un enchaînement de sons qui n'a pas de sens. Et ils ont mis un peu de rock quand même, comme dans les Adventures. Oui, le thème d'Infinite, c'est du rock. Pour le DLC Shadow, on a une reprise de All Hail Shadow. Et deux, trois. Je sais plus c'est quoi les deux autres, mais c'est aussi du rock, principalement pour Shadow, c'est du rock. Ah oui, All Hail Shadow. Ouais, ça va bien, nous deux, Shadow. En fait. Oui, mais bon, il y avait All Hail Shadow. Et, oui, voilà, c'était un groupe d'anarchistes, je crois, que j'avais sauvé, qui avait fait ça pour moi une fois. Pour revenir sur les points négatifs, le gameplay en soi n'est pas bon. Sonic, les trois quarts de tes niveaux, c'est un couloir. Tu cours trois devant, tu ne fais rien. Ah oui, un peu comme les Drag Race dans Roblox, quoi. Sûrement, je n'ai pas la référence, mais oui, on va dire ça. C'était leur deuxième tentative de faire du mix entre les niveaux classiques et les niveaux modernes. C'est ça. Surtout que là, le boost qui est censé être l'élément principal de gameplay, il fait acte de présent entraîne plus, hein, comme dirait l'autre. Ah oui. T'essaies de courir plus vite, mais ça marche pas. C'est ça. Les trois quarts du temps, tu boostes une fois, tu skips trois... C'est... Tu skips les trois quarts du niveau et t'as fini, quoi. En un boost. Et le scénario? Le scénario est absent. Ah, non, il n'y a pas de scénario. Il est là, mais il n'a aucun sens. Shadow, il vient. Il dit coucou, je suis là. Puis il revient pas. Le gameplay, donc, comme je l'ai dit, est très linéaire. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est très ennuyeux. L'avatar, même si physiquement, il y a de quoi faire. Pour ce qui est de son arme, il y en a deux qui valent le coup. Le reste, ça fait acte de présence également. Techniquement, même les niveaux sont faits juste pour pouvoir spammer le feu ou l'éclair. Le reste, vous ne vous en servirez jamais. Je ne t'ai plus parlé. Tu dis, il n'y a pas de scénario. Pour ce qui est du scénario, non. Les trois quarts du temps, on fait que rabaisser les persos qui ont déjà été rabaissés avant. Je suis encore plus débile. Amy est encore plus forceuse. Tails, c'est une victime. Ouais, ça promet. Et finalement, la morale finale, c'est sans Sonic, on fait rien. Parce que tout le début de l'histoire, on galère, on ne peut rien faire. Sonic, il arrive de nulle part, il base Avok. Oh bah, tout passe facile. Bah, il voit l'avatar, il dit « Hé toi, t'as l'air gentil, meilleur pote. Tails, on s'en fout, meilleur pote. » Surtout que, je tiens à dire, Sonic est censé être enfermé pendant 6 mois. Elles sont où les séquelles? Oui, il a pas l'air si déprimé que ça. Il est là, il est heureux. C'est vrai, c'est vrai. Il est des vacances, quoi. C'est traumatique. Le mec était attaché aux mains dans une prison comme dans Adventure 2, mais pendant 6 mois. Dans Adventure 2, déjà, c'est... Ouais. C'était limite qu'il nous lâche une dépression. Non mais j'arrêtais mais là, pas de tourner. Mais là, puis tu te rappelles la dernière fois que j'ai pété un plomb là juste parce qu'on a pris une... parce qu'on faisait une croisière. Oh oui. Mmh. Tu te souviens? Tu faisais tout pour sortir. Mais oui. C'est même la seule fois où je t'ai vu draguer, Amy. Oui. On a tiré une leçon en tout cas, plus de croisière. J'ai un peu regretté quand même. J'ai honte parce que sur le coup, j'étais contente parce qu'il me remarquait, mais là maintenant que j'y repense, j'ai un peu honte de moi parce qu'il était pas bien. Ouais. Oui, c'est pas grave. Il en a profité, hein. Oui, j'en ai profité aussi un peu, j'avoue. Maintenant, il va mieux. Je l'avoue, maintenant, je m'en excuse. Maintenant, ça va mieux. Bon, bref, Sonic Forces aurait mérité d'avoir un meilleur scénario et d'avoir peut-être un Peggy plus élevé. Oh, sûrement. Peggy plus élevé, non. Il ne mérite pas plus que Peggy 3. Avec les trucs de scénario qui n'ont pas été développés, ça a l'air. On dirait qu'ils ont commencé à développer des trames scénaristiques ou des idées, mais qu'ils les ont édulcorées. Alors, c'est peut-être dur ce que je vais dire. Quelque chose de très dramatique si on étouffe tout juste parce que c'est Sonic et qu'il doit toujours être hyper positif. Sonic n'est pas parfait, il a aussi ses blancs et ses noirs. Bah, alors, pour ce jeu-là, pour ce qui est scénario et c'est du bleu et du développement, on est très proche de Peppa Pig. On peut pas comparer. Alors, pour le coup, si, hein. C'est quasiment la même chose. Sonic, il est là, il dit bonjour à ses copains, il vit des aventures, fin du jeu. Bref, ta note. Ma note finale, en étant objectif à 100%, 4 sur 10. Ah oui. Ça aurait pu faire mieux, quoi. Ouais. Ça aurait pu marcher. Et les 4 points, c'est vraiment parce que le jeu est agréable à regarder et la moitié du temps à écouter. J'aurais mis 5 si c'était tout le temps. Si toutes les musiques étaient bien, mais bon, Sonic classique. Voilà. Donc 4 sur 10 pour Sonic Forces. Merci Knuckles. Merci Knuckles. Merci Knuckles. Si vous avez, vous les spectateurs, d'autres jeux à me conseiller à tester, dites-moi, je fais tout. Ouais, postez un commentaire. Prochain. Postez un commentaire sur la version YouTube et. Exactement. Voilà. Commentez, faites des dons, tout ça, tout ça. Et je ferai le jeu qui sera le plus demandé. Ou celui que j'aurais choisi parce que. Moi, je m'en fiche. Envoyez les noms de jeux dans les commentaires, ça peut aider. Question, Knuckles, est-ce qu'il faut absolument que ce soit un jeu Sonic ou ça peut être n'importe quel jeu? Bah, ce sera au choix des gens, n'importe quel jeu me va. Ok. Bon, bah, vous avez entendu, quel jeu, du coup. Alors, j'ai un des habitants de mon île qui est très fan de voitures. Je sais pas si tu te rappelles Sonic du pilote dans Sonic X. Ouais, ah oui, je m'en souviens, oui. Il me propose Forza Motorsport. Bizarre. Merci de nous avoir écoutés pendant ces, je pense, 30 minutes. Peut-être un petit peu plus court que le podcast d'avant. Peut-être un petit peu plus court, un petit peu plus long, peut-être. Parce qu'on était un petit peu moins nombreux aussi. Mais cette fois, on essaiera d'être un petit peu plus nombreux la prochaine fois, c'est promis. Malheureusement, de gré de n'importe quoi. Les chaotiques n'ont pas pu être là. Ils avaient une enquête à mener avec un certain chien et un blond, je sais pas, j'ai pas tout compris. Un chat qui s'appelle Scooby-Doo. Dans quoi, ils sont fourrés, Martin Enigme, je sais pas quoi, j'ai pas compris. Apparemment, on m'a parlé d'une disparition de crime après crime 64. Oh, je vais aller la sauver, vous en faites pas. C'est moi qui irai chercher crime. Bon, ouais, si tu la retrouves, dis-lui de venir me voir parce qu'il faut que je finisse de jouer à crime 64 et ce serait bien qu'elle se voie elle-même. Tu sais quelle est ma devise, Sonic? Oui, quand on tire, on trouve. Merci, Shadow. Je prends une note. Et c'est sur ta belle phrase qu'on va en finir. Merci à vous d'avoir été là. D'avoir discuté avec moi. Merci d'avoir été avec moi en direct du chalet. De même, un plaisir. Merci à tout le monde. Abonnez-vous, likez, merci mettez des commentaires. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à la tribu. Abonnez-vous, mes robots. Abonnez-vous. Abonnez-vous, vous êtes des dons. Lego, sponsorisez-nous. Et bisous tout doux. Ouais, bisous à tout le monde. Bye. Au revoir. À plus.